Extrait 5e, Suce à l'ennemi. Répondant au défi des Anglais, Surcouf courait suce à l'ennemi. Les forces des deux parties étaient à peu près égales, bien que l'Anglais n'eût que 3 bâtiments à opposer aux 4 des Français. Mais le Good Hope, avec ses 2 pièces de retraite, ne pouvait être tenu pour un combattant. D'ailleurs, le Malouin n'entendait l'utiliser que comme un stratagème. Son ordre de bataille était fort simple. À la tête du revenant, il allait attaquer personnellement le Kent. Clavaillant et la Sainte-Anne se porteraient sur l'Eagle pendant que la Confiance se mesurerait avec la Queen Elizabeth. Surcouf attirait insensiblement la frégate jusqu'à ce qu'elle fût à portée du Good Hope. À ce moment, les quelques gaillards résolus que conduisaient Ewell et Ustaritz accrocheraient le navire anglais capturé à l'arrière du grand vaisseau, et pendant que celui-ci s'efforcerait de se dépêtrer de cet obstacle imprévu, le corsaire le mitraillerait sans relâche. L'ordre fut exécuté au pied de la lettre. Le commodore John Harris, si présomptueux et si plein de morgue dédaigneuse à l'encontre de son subordonné, le commandant Peterson, ignorait l'habileté stratégique de Surcouf et ne voulait point y croire. C'était d'ailleurs la première fois que le Malouin faisait acte de chef d'escadre. Son génie, prompt aux rapides assimilations, allait emprunter à Nelson lui-même l'audacieuse méthode qui avait assuré au grand marin anglais sa double victoire d'Aboukir et de Trafalgar. En voyant les 4 bâtiments français venir à leur rencontre, les marins du roi George n'en purent croire leurs yeux. Il leur fallut pourtant se rendre à l'évidence lorsque, parvenus à un quart de mille de leur ligne, simultanément, le revenant, la Sainte-Anne et la Confiance évoluèrent dans le vent et firent pleuvoir sur les vaisseaux anglais un véritable déluge de fer. Une décharge de mitraille tua 30 hommes à bord du Kent. En même temps, un boulet ramé emporta la moitié de la passerelle, et avant que l'équipage eût pu déblayer le pont, 10 canons de la batterie crevèrent le flanc de la frégate, éteignant ses pièces de tribord. La lutte était mal engagée. John Harris le comprit. Pesamment, le Kent vira et envoya s'aborder. Trop tard. Déjà, le rapide navire passait avec une fulgurante vitesse sous la hanche de son lourd adversaire. Le feu de celui-ci ne fit que raser son gaillard et lui tuer ou blesser 5 hommes. En revanche, il prit en enfilade l'anglais et des pièces de chasse balayèrent de bout en bout le pont déjà dévasté par la première décharge. Puis, passant à bâbord, il envoya la bordée de 15 canons dans les œuvres vives du Kent. Ce fut effroyable comme le passage d'une trombe. Le grand mât, haché, s'écroula. La barre fut rompue et le vaisseau, pareil à un cygne auquel on aurait brisé du même coup l'aile et la patte, se mit à dériver misérablement sous les remous. « Hardi les gars !» cria le Malouin. « Il est à nous !» C'était le signal. À ce moment, les trappes du Kent vinrent frôler les tombeaux du Good Hope. Une décharge suprême des pièces de retraite de celui-ci fit une trouée dans les rangs anglais et les 20 hommes d'Evel et d'Ustaritz, se ruant sur le gaillard de la frégate, accrochèrent son beaupré à l'arrière du lourd trois-mâts. Les marins britanniques s'élancèrent à leur rencontre, mais au même instant, l'insaisissable revenant virait pour la 3e fois et balayait le Kent avec sa batterie de tribord. La frégate était perdue. Un tiers de son équipage était tombé sous la mitraille. Le reste, plus ou moins blessé, se serrait autour du commodore et de ses lieutenants. La défaite était lamentable, humiliante au-delà de toute expression. Mais John Harris était aussi brave que présomptueux. Il voulut faire tête à ses ennemis. Rassemblant ses hommes en carré, il accueillit par un feu de mousqueterie bien nourri les marins du revenant, qui s'élançait à l'abordage et escaladait l'arrière. Surcouf perdit là une 40aine des siens. Mais le moment d'après, les Anglais, sabrés, hachés, réduits à la proportion d'un homme sur 4, étaient contraints de mettre bas les armes. Le vainqueur laissa au commodore son épée. Aussi bien l'ennemi méritait-il ce suprême honneur. John Harris était étendu sur le pont, enveloppé dans le pavillon britannique, le corps et les membres troués de 8 blessures. « Je ne m'attendais pas à être vaincu par vous, monsieur Surcouf, » murmura le glorieux vaincu quand il fut en présence du corsaire. « Ce n'est pas un médiocre honneur pour moi, monsieur, » expliqua celui-ci. « Votre seigneurie a fait tout son devoir. Vous tombez en héros. J'en rendrai témoignage à l'amirauté anglaise. » Il donna l'ordre d'emporter avec précaution le blessé qu'il fit déposer dans sa propre cabine à bord du revenant. Puis, amarrant la frégate prise au Good Hope, il se disposa à revenir à la charge contre les 2 corvettes. La Queen Elizabeth luttait désespérément contre la Confiance. Dématée, transformée en ponton, N'ayant plus qu'un homme valide sur 10, elle refusa d'amener son pavillon. Debout, à l'arrière, le bras en écharpe, l'héroïque commandant Peterson salua d'une dernière décharge la confiance qui perdit du coup 20 hommes. Puis au cri de « Vive la vieille Angleterre !» la corvette et ce qui restait de son équipage s'engloutirent dans les flots troublés et noircis par les violences de la lutte. Dans le même temps, Jacques de Clavaillan s'emparait de l'Eagle. La bataille avait été chaude sur ce point plus que sur tout autre. Le brick, rivalisant de vitesse et d'audace avec le revenant, avait passé, toute voile dehors, sous les canons de la corvette. Supérieurement servi par ses canonniers, il avait démonté les pièces du pont, éteint le feu des batteries de tribord et logé deux boulets au niveau de la flottaison. Une volée en retour brisa le gouvernail de la corvette anglaise. Un feu de salve, admirablement dirigé, tua une 30aine d'hommes dans les haubans. Et tout aussitôt, les deux bâtiments se trouvèrent bord à bord. L'anglais tenait bien. Un ouragan de plomb et de mitraille passa sur la Sainte-Anne, trouant des têtes et des poitrines, fauchant des jambes et des bras, amoncelant des cadavres. Et quand il fut passé, Guillaume, frémissant, enivré par la poudre, tenant une hache dans la main gauche, un pistolet dans la droite, se fit debout, sans une égratignure, aux côtés de son commandant intact, lui aussi. C'était le moment attendu par Clavaillan. La Sainte-Anne avait pris le vent. Elle vint donner à toute volée dans la joue de bâbord de l'Eagle et engagea son beaupré dans celui de l'Anglais. Le choc fut formidable. Mais les matelots étaient prêts. Ils étaient rassemblés en masse compacte autour de leur commandant. Tous ensemble s'élancèrent à l'abordage de la corvette, tandis que 6 des pièces du brick faisaient feu simultanément sur le pont de l'ennemi. En ce moment, Will se sentit saisir par le bras gauche. En même temps, une voix bien connue lui cria à l'oreille « Hé, Pitchoun, ça chauffe pour le présent. On va en découdre avec les English. N'a pas peur, on est près de toi. Comment ?» se récria l'enfant. « Toi ici, Pierre ? Je te croyais sur le Good Hope avec Evel. Nous y étions hontés, mais il n'y a plus rien à faire pour le quart d'heure. Tout est fini, alors tu comprends. Rien ne pouvait nous empêcher, Evel et moi, de venir rejoindre le commandant. » Mais déjà, l'attaque était commencée. Les marins de la Sainte-Anne se ruaient fiévreusement sur le pont de l'Eagle. Ils y furent vaillamment reçus. Les Anglais se battaient avec le courage du désespoir. Déjà, le commandant George Blackford avait pu constater que la bataille était perdue. Du haut de son gaillard, il avait vu la prise du Kent et deviné celle de la Queen Elizabeth. Il ne lui restait plus qu'à mourir en vendant chèrement sa vie. Debout, au milieu de ses hommes, il dirigeait le feu avec le sang-froid de sa race et regardait la mort venir sans fléchir à son approche. Une multitude de combats s'était engagée sur le pont. Jacques de Clavaillan, l'épée à la main, avait déjà fait sa trouée. Il était passé, s'ouvrant un chemin sanglant dans les rangs des Anglais. Autour de lui, les corsaires multipliaient leurs exploits, une nappe rouge s'étendait sur le plancher ciré et les pieds nus des matelots clapotaient dans le sang chaud coulant des blessures affreuses à voir. Cependant, l'ennemi résistait encore avec une formidable ténacité. Clavaillan se dit qu'il n'aurait raison de cette résistance qu'en abattant le chef vaillant qui la dirigeait. Il promena autour de lui un rapide regard. Il aperçut Havel et Usteritz à ses côtés, luttant en héros. « Garçon, leur cria-t-il, déblayez-moi un peu la place, de manière que je puisse rejoindre le commandant anglais. J'ai un compte personnel à régler avec lui. »